Chapitre 39e. Ainsi qu'il avait été convenu, je laissai à Villa Bella les deux maoès. Je les payai, comme je l'aurais fait au fuyard, un patac par jour. Ils reçurent ce que je leur donnais sans rien dire, firent demi-tour, et je ne les vus bientôt plus. Là, j'eus encore plus de peine pour avoir des rameurs. On me renvoya un prêtre, celui-ci un vendeur portugais, qui me renvoya à son tour au subdélégué. Le subdélégué s'entendit avec le promoteur, et l'on me promit non seulement deux hommes, mais un garde jusqu'à Obidos. Ils devaient revenir par le vapeur, bien entendu en payant leur passage. Comme il y avait plusieurs hamacs dans la maison du promoteur, je passai la nuit dans l'un, et le lendemain on me présenta un indien maoès nommé Miguel, en attendant l'autre, qui ne pouvait venir que l'après-midi. Quant au garde, il était tout prêt. Polycarpe m'attendait toujours en gardant le canot. Quand il sut qu'un garde allait venir, il me dit « À quoi bon, non seulement ce garde inutile, mais un autre rameur. Un seul suffit pour descendre jusqu'à Paria, si vous voulez. » Il insista beaucoup sur ce point. « D'ailleurs, ajouta-t-il, le vent règne toujours dans cette saison, de l'ouest à l'est, et une fois bord, on se servira de la voile. » J'allais, d'après cette assurance, prendre congé du promoteur et le remercier de ses bons services. Quand il sut que je ne voulais ni garde ni second rameur, il me blâma fortement, d'autant plus qu'outre la connaissance de l'Indien en général, il savait la fuite des deux premiers. J'achetai du pire à gros coups et de la farine, et je revins au canot. Il fallut installer la voile, car le vent était fort et favorable. Nous n'avions pas précisément ce qu'on appelle en langage vulgaire une tempête, mais il est vrai de dire que, vu notre petitesse, les lames étaient bien hautes, tellement que, pour compléter l'illusion, elles embarquaient et que Miguel et moi pouvions à peine suffire pour vider le canot. La journée et la nuit se passèrent à louvoyer, et le lendemain au soir, après avoir été dans le même état que la veille, nous entrâmes dans l'embouchure du fleuve Jourouti. Là, Polycarpe recommença ses grimaces de mécontentement. J'amassai peu à peu une colère qui devait éclater bientôt. Je commençai à trouver que j'avais fait une nouvelle imprudence en n'acceptant pas les hommes qu'on m'avait offerts. Cette fois-ci, j'étais bien plus à la merci de ce misérable. Mais aussi, je me promis de l'observer et surtout de mettre obstacle à toute camaraderie entre lui et Miguel. Le matin, de fort bonne heure, j'entendis des chiens aboyer et des coqs chanter. Je voulus descendre. Polycarpe me donna de mauvaises raisons pour m'en empêcher. C'était l'habitation d'un blanc. Je ne trouvais rien à faire. Et malgré moi, le canot continuait sa route. Cette fois, je me fâchai tout de bon, et je lui dis qu'à la fin ses allures me déplaisaient, que je l'engageais à m'obéir, s'il ne voulait avoir à s'en repentir, et je fis redescendre le canot à l'endroit dont je voulais rapporter un souvenir. Une fois installé, et les deux singes enlevés de mon toit, je fis un cliché de mon canot, puis quatre autres, parfaitement réussis. J'avais entendu dire à Polycarpe que le canot était trop grand pour aller à la Frégésia, et j'en avais conclu qu'il devait se trouver quelques passages étroits, bon seulement pour des montaris, des troncs d'arbres creusés. Il avait donc été convenu que nous en emprunterions une. En passant, nous en vîmes au moins une trentaine. Mais quand je disais à Polycarpe d'en demander une, il me répondait toujours « Teate Lago Santos ». Je ne pouvais penser que le temps n'était pas venu de s'en servir. Mais plus nous avancions sur le fleuve, moins nous rencontrions de ces montaris. Je trouvais que Miguel travaillait beaucoup trop, qu'il se fatiguait, tandis que le fainéant Polycarpe, les bras croisés, se reposait. La patience m'échappa, et je l'arrachai brusquement du lieu où il était assis, je lui mis à la main une pagaie, et pour la première fois, je le fis travailler 5 minutes. Au bout de ce temps, j'aperçus 3 montaris amarrés dans un tout petit port. J'attendis ce qu'allait faire Polycarpe. Il dit à son camarade d'aller de ce côté. Quand nous fûmes près de terre, Miguel sauta le premier. Polycarpe revint à sa place accoutumée et se mit à faire un petit paquet dans un mouchoir sans s'inquiéter de ce dont je l'avais chargé, d'aller emprunter la montarie si nécessaire. Je le regardais tranquillement, ne me doutant pas le moins du monde de son intention. Il passa le paquet à son bras, prit un énorme bâton qu'il avait taillé la veille et avec lequel j'avais moi-même repoussé le canot. J'en connaissais le poids. Puis il sauta légèrement à terre et sans rien dire, se dirigea du côté des bois. Quand il a fait une 15aine de pas, je lui demandai où il allait. « Promener dans les bois, » répondit-il avec un calme insolent. Ces mots signifient « je fuis », selon l'idée des Indiens. Comme le jour du gouffre, il se passa quelque chose d'étrange en moi. Eugène Sue, dans ses Mystères de Paris, fait lire au Chourineur qu'il voit rouge dans de certains instants. J'ai probablement éprouvé à ce moment quelque chose de pareil, car j'ignore presque ce qui s'est passé et comment je me suis trouvé le genou sur Polycarpe, mes 5 doigts pleins de sang et mon revolver, qui sans doute était sorti de ma poche, serré convulsivement et levé pour lui briser la tête. Le bâton était à plus de 20 pas et Miguel regardait sans bouger. Si je n'ai pas tué le misérable, si je n'ai pas payé d'un seul coup le mal qu'il avait essayé de me faire, c'est que sa pâleur cadavéreuse me fit penser qu'il était déjà frappé. Ses ternaires cuivrés, presque noirs, étaient devenus méconnaissables et remués à peine. J'eus peur un instant et me relevai précipitamment. Je crois que j'étais aussi tremblant que lui. Il se jeta à genoux, me demanda pardon, me promettant que si je le ramenais au paria, je n'aurais plus à me plaindre. Que pouvais-je faire, sinon pardonner? J'étais si heureux de n'avoir pas à me reprocher un meurtre, dont le souvenir m'eût toujours poursuivi. Son sang coulait beaucoup. Je ne me coupais pas les ongles depuis longtemps. C'était encore un moyen de défense que la nécessité m'avait inspiré. Et mes 5 doigts armés étaient entrés profondément. Je le fis bien laver pour fermer de suite les plaies. J'y appliquai du collodion, après l'avoir prévenu qu'il souffrirait un peu au premier moment, mais que cela ne durerait pas. Je lui donnai ensuite une double ration de cachaça. Enfin, devant la faiblesse de mon ennemi, je n'eus plus de courage, et ainsi que cela arrive souvent, je cherchais toutes les raisons possibles pour justifier son mauvais vouloir. Son horrible figure, qui un instant auparavant était si pâle, ne m'inspirait plus que de la pitié, et je me promettais bien de réparer le mal que j'avais fait. Toutes mes idées sur ces hommes ignorants s'étaient modifiées, et je pardonnais alors bien sincèrement aux Indiens fuyards, mes Mogards et Firino, les mauvais tours qu'ils m'avaient joués. Décidément, l'organe du meurtre doit être peu développé chez moi, car après cet événement, qui n'avait pourtant pas été le fait de ma volonté, mais d'une impulsion fatale, je me sentais trembler quand je regardais le résultat de cette colère instantanée. Cependant, cette sensibilité ne conduisait à rien. Il fallait prendre un parti. J'envoyai les 2 hommes demander à la case, que je supposais à quelques pas selon l'usage, la permission de prendre une des montaries pour continuer mon voyage avec l'un d'eux. Comme Polycarpe avait autant de raisons que moi de revenir au paria, et que d'ailleurs, en dehors de cette haine qu'il m'avait vouée depuis le premier jour et dont j'avais vu quelques effets, il ne m'avait pas volé, je décidai que je lui laisserais la garde du grand canot plutôt qu'à l'autre indien, que je ne connaissais que depuis 2 ou 3 jours. Polycarpe et Miguel allèrent donc demander à une case éloignée l'autorisation dont nous avions besoin. Ils demeurèrent absents plusieurs heures, et j'eus le soupçon qu'ils tramaient quelque mauvais dessein. Cependant, ils revinrent. Polycarpe détacha une montarie, et il plaça mon carnier, mon plomb et ma poudre. Il fut entendu, avant mon départ avec Miguel, que Polycarpe ne quitterait pas le canot d'un seul instant. Il se pouvait que nous fussions de retour avant la nuit. Aucun de nous ne savait le temps qu'il fallait mettre pour arriver au lac et à la Frégésia, but de mon voyage. Nous étions partis depuis quelques instants quand Polycarpe m'appela. Il me montrait de loin mon fusil que j'avais oublié. Cette attention seule m'eût donné de la confiance, et je partis cette fois complètement rassuré. Rien n'annonçait ce passage étroit qui avait nécessité un autre canot. Je ne fus pas longtemps à comprendre que la haine du travail avait seul inspiré Polycarpe. Ce n'était pas un passage étroit qu'il avait redouté pour le canot, mais la nécessité d'aider Miguel à pagayer dans le mien. Je me repentis d'avoir été dupe d'une ruse si grossière. Je me promis de ne pas m'y laisser reprendre au retour de ma petite campagne, et de le faire tout de bon travailler, puisque je le payais 3 fois autant que le bon Miguel, qui faisait l'ouvrage de 2 hommes sans se plaindre. Une fois ce parti pris, et le souvenir de ce qui s'était passé complètement effacé, je me mis sérieusement à mon métier de chasseur. Je tuai de nouveau un bel aigle noir à tête blanche, un très joli canari piqui et 3 oiseaux d'eau nommés Peusona. Plus nous avancions, plus le fleuve s'élargissait, et pour la première fois depuis mon séjour dans le sud, je retrouvais tout de bon des montagnes élevées, avec leurs arbres en amphithéâtre. Ceux qui se trouvaient le plus près de l'eau étaient couverts de détritus de toutes sortes. Il me semblait quelquefois voir des villages tout entiers, dont les toits étaient couverts en paille, ou des meules de foin. Ces amas, arrêtés sur les arbres, à une grande hauteur, me faisaient penser à ce que devait être un débordement des eaux vers certaines époques de l'année dans ce petit fleuve Jurouti. Rien ne ressemblait, excepté les montagnes, à ce que j'étais accoutumé à voir. Chaque arbre paraissait changé en des millions de serpents. À la différence des formes ordinaires aux racines de mangliers, ici on ne voyait de tous côtés que des enroulements. Tous ces arbres paraissaient n'en faire qu'un seul, et je regrettais bien le peu de temps que j'avais à donner aux croquis. Cependant, je n'y pus tenir, j'en fis deux ou trois rapidement. Après avoir remonté pendant plus de 3 heures, je compris qu'il serait impossible de revenir avant la nuit, puisque après le fleuve venait un lac et que la Frégésia était de l'autre côté. La nuit approchait quand nous entrâmes dans le lac, mais dans aucune direction on ne pouvait voir la moindre habitation. Miguel paraissait fatigué, cependant rien dans ses manières ne montrait qu'il fût mécontent. Enfin nous aperçûmes au loin une lueur indécise, puis une autre, c'était le terme du voyage. Le canot amarré, nous montâmes au milieu d'une 20aine de cases dont les propriétaires dormaient sans doute. L'église était au sommet d'une colline. Le padre, gros garçon réjoui, me reçut fort bien quand je lui dis de quelle part je venais. Il possédait un serpent curieux. Il en fit chercher la peau, qui était en assez mauvais état. Quant à la tête, elle ne put se retrouver. Mais il eut la bonté de me donner la peau en refusant de me la vendre. Après le dîner, composé de tortues rôties et d'un poisson très délicat nommé arawana, le padre me dit que si j'avais le temps de perdre quelques jours, il me conduirait à un grand lac assez près de la Frégésia, dans lequel les eaux se trouvant sans doute encore basses, je verrais la carcasse du plus grand serpent qui peut-être eût existé. Il avait au moins 100 pieds de longueur. Cependant, j'étais inquiet de mon canot. Je sentais bien vivement l'imprudence que j'avais commise. J'avais voulu faire oublier ma vivacité. J'avais montré à ce monstre de Polycarpe que ma confiance en lui était toujours la même, malgré sa velléité que j'avais cruellement réprimée de se sauver dans les bois. Ce fut sous cette influence et avec cette inquiétude, qui de moment en moment augmentait, que je pris congé du padre en le remerciant de sa cordiale hospitalité et du présent qu'il m'avait fait. Nous nous embarquâmes, Miguel et moi, à 4 heures du matin, après avoir fait un rouleau de cette peau qui, sans la tête, avait 19 pieds. C'était déjà fort grand en comparaison des petits bois du jardin des plantes. En redescendant le fleuve, j'avais, ainsi que le jour du bain au caïman, ou celui du gouffre, un pressentiment que je m'efforçais d'écarter. Malgré moi, je frémissais en songeant que peut-être je ne retrouverais plus mon canot. Je vis de loin une montarie montée par 3 femmes. Miguel leur demanda quelque chose que je ne compris pas, et j'entendis dans leur réponse le mot « macaque ». Elles avaient vu mon canot et les 2 singes. 1 quart d'heure après, nous étions arrivés. Les singes se mirent à crier. Polycarpe dormait sans doute. À la place où la veille j'avais attendu étaient assises 4 personnes, un vieillard, un nègre, 2 femmes, pour jouir probablement du spectacle que mon désappointement allait leur donner. Polycarpe s'était sauvé. J'entrai tranquillement dans mon canot et jetant rapidement les yeux sur les objets les plus précieux que je possédais, j'en fis en quelques secondes l'inventaire. Polycarpe m'avait volé un fusil que j'avais acheté au paria, ainsi qu'un sabre qui servait à me tailler un chemin au besoin. Il m'avait également volé un sac de plomb, de la poudre, des capsules et une boîte dans laquelle j'avais du fil, des aiguilles, des boutons et des ciseaux. Après tout, j'étais heureux d'avoir retrouvé mon canot. La fuite même de Polycarpe me mettait en bonne humeur. Et pour que ce misérable apprît combien il s'était trompé en croyant me jouer un mauvais tour, je distribuai de la cachaça à la société et je fis dire par Miguel que j'étais satisfait d'être débarrassé d'un fainéant bonarien. Je soupçonnais qu'il s'était peut-être réfugié chez ces gens-là. Je dis ensuite adieu aux 4 Indiens et je pris une pagaie, décidé à ne plus la quitter jusqu'à mon arrivée à Obidos. J'allai m'asseoir à l'avant du canot, à côté de Miguel, et je lui dis en riant « Vamos ». À quoi il répondit sérieusement « Vamos ». Et nous descendîmes le Jurouti avec une grande rapidité. À la nuit tombée, nous entrâmes dans l'Amazone. 1 heure après, nous jetâmes à l'eau notre grosse pierre, et nous ne tardâmes pas à nous endormir. Il était temps que je prisse un peu de repos, je me sentais malade et mes forces ne pouvaient me soutenir bien longtemps. Le jour suivant, notre navigation fut facile et rapide. Nous mîmes à la voile vers le soir, pour traverser et prendre terre sur une plage où j'avais l'espoir de chasser un peu avant la nuit. Mais je parcourus cette plage inconnue sans autre résultat que de me dégourdir les jambes et nous passâmes la nuit sur le sable. Le lendemain, après avoir pagayé toute la journée, nous fîmes des efforts pour atteindre une île opposée au rivage près duquel nous passions. Car un orage lointain se préparait, le tonnerre grondait, et il nous paraissait impossible de trouver un abri au milieu des arbres arrachés qui, de ce côté, encombraient les approches de la terre très avant dans le fleuve. En peu d'instants, et à moins qu'il nous eût été possible de gagner l'autre bord, la tourmente fondit sur nous. Une pluie torrentielle mêlée de grêle nous fit craindre de voir remplir notre canot en peu de temps. Pendant que Miguel faisait couler notre pierre, ancre de salut, de toute la longueur du câble, moi, avec cette panella, qui servait à tant d'emplois différents, je me mis à égoutter le canot. Les pauvres singes mêlaient leurs cris au grondement de la tempête. Les éclairs, en s'éloignant, nous laissaient dans la plus complète obscurité. Nous ne parlions pas. Quand Miguel eut filé le câble, il prit de son côté un vase pour m'aider à vider l'eau qui nous envahissait sensiblement. Ce n'était pas le moment de songer à mon état de faiblesse permanent. Si je m'étais découragé, si j'avais laissé l'Indien livré à lui-même, il eût peut-être cédé à la fatalité et nous nous serions noyés tous deux infailliblement. Mais un blanc travaillait, il fallait l'imiter. Le canot fit un mouvement inattendu, il se jeta sur le côté et nous sentîmes qu'une force irrésistible nous emportait. J'étais alors éloigné de Miguel et à l'autre bout, quant à la lueur des éclairs, je le vis qui tire le câble. La pierre l'avait coupé et était resté au fond. Nous étions entraînés à la dérive sans aucun moyen de résistance. Il me serait impossible de dire combien de temps dura cette navigation effrayante. Le canot, emporté par le courant et poussé par un vent violent, tournait sur lui-même sans qu'il fût possible de le diriger malgré nos efforts car nous avions repris les pagaies. Il vint un moment où nous crûmes apercevoir des terrains à fleur d'eau, mais ils disparaissaient bien vite. Cependant ce signe me donna quelque espoir. Je pris la grande perche dont j'avais fait usage avec tant de bonheur le jour du gouffre, et je l'enfonçai dans l'eau, d'abord inutilement, mais je persistais d'autant plus que ma pagaie ne m'était d'aucune utilité. Heureusement, car une fois je sentis le fond. Je poussai un cri de joie en appelant Miguel. Nous fîmes alors tous nos efforts pour assujettir cette perche en pesant dessus, et notre canot s'arrêta un instant. Nos efforts réunis firent rentrer plus avant cette perche, notre seule espérance. La nuit entière se passa dans cette situation, et le jour nous trouva tous deux, la tenant convulsivement entre nos bras. Le danger avait à peu près disparu, mais le vent était encore très fort. Nous tîmes conseil sur ce qu'il y avait à faire, car le jour nous permettait de voir où nous étions. Le bonheur nous avait fait rencontrer une des îles nouvellement sorties des eaux, et si nous avions pu nous défendre contre la force du vent et du courant, c'est que nous avions été abrités par une partie élevée qui, brisant les lames, les avait détournées et empêchées de remplir le canot pendant que nous pesions sur la perche. Comme il n'y avait pas d'abri commode au milieu de ces terrains inégaux et de ces chenaux, nous résolûmes d'aller descendre dans une île qui paraissait éloignée de deux lieues et dont on voyait alors la plage blanche. Nous quittâmes notre abri et en peu de temps, poussés par ce vent dont nous pouvions nous servir maintenant, nous touchâmes à une belle plaine de sable. Le soleil était déjà si chaud que pour arriver sous de grands arbres où je voulais me reposer, je fus obligé de courir afin de n'avoir pas les pieds brûlés. Miguel, sur mon ordre, s'empressa de me donner un gros morceau de pirro rocco acheté à Villabella et un couille plein de farine. Mon biscuit était terminé depuis longtemps. Il m'apporta également du sel, de l'huile rance et des limons dont je me servais en place de vinaigre. Je partageais fraternellement avec lui ses raffinements gastronomiques, puis nous nous étendîmes sur le sable où nous restâmes couchés une partie de la journée. Miguel y eut volontiers passé la nuit, et j'en aurais bien fait autant, mais j'avais hâte d'en finir avec cette navigation qui d'ailleurs n'avait plus d'intérêt pour moi. Je ne désirais plus qu'une chose, trouver une autre plage et faire quelques clichés. Puis j'emballerais tout et je n'aurais plus d'autre préoccupation que de faire porter au bateau à vapeur mais mal fermé. Le temps était redevenu calme. La lune nous éclairait. de gros poissons jouant sous l'eau faisaient peur à mes singes. De demi-heure en demi-heure, chacun à notre tour, nous vidions l'eau du canot. C'était encore une raison de plus pour arriver. Il fallait bien d'ailleurs prendre le parti de recourir désormais au bateau à vapeur. Je n'avais plus Polycarpe. Miguel n'était engagé que Probidos, et en supposant que j'eusse voulu arriver au Paria malgré les dangers de la baie de Marajo, il m'eût été impossible de me procurer d'autres rameurs. Au point du jour, nous touchâmes, par un bonheur inattendu, à une de ces plaines immenses coupées par de grandes flaques d'eau. Je fis bien vite mes préparatifs pour photographier, mais le soleil allait plus vite encore, et quand j'eus installé ma tente, la chaleur était déjà si forte que je fus forcé de faire mes expériences dans un état complet de nudité. J'y gagnais, malgré l'habitude que j'avais prise d'être souvent dans cet état, d'avoir au bout de quelques jours non seulement la peau, mais des lambeaux de chair enlevés par un terrible coup de soleil qui n'avait épargné aucune partie de mon corps. Je ne pus réussir à rien. La cause en était-elle dans la tourmente des nuits précédentes? L'affreux Polycarpe avait-il, par un mélange, dénaturé quelqu'un de mes produits chimiques? Toujours est-il que je me décidai à plier tout de bon mes bagages. Ma campagne était finie. Je laissai Miguel ramer seul, et je fis de mon côté mes paquets. La nuit venue, mon compagnon s'était endormi, laissant au courant le soin de nous emporter. Mais moi, je veillais. Tout le jour, le vent avait varié. Quand vers 10 heures il devint favorable, j'eus beaucoup de peine à éveiller Miguel et à lui faire orienter la voile. Ce brave homme, après M. Benoît, qui se méprenait toujours, après l'affreux Polycarpe, qui voulait toujours se méprendre à ce que je disais, était bien l'Indien le plus lent, le plus difficile à émouvoir. Il fallait beaucoup de temps pour que tout fût prêt, et à mon bas mot ordinaire, il répondit, quand le vent eut enflé la voile, par un va aux mousses, infiniment plus prolongé que les autres, ce qui ne me donna qu'une confiance médiocre et me força de veiller sérieusement à la manœuvre. Au lever du soleil, le vent changea encore. Il fallut louvoyer, et le jour se passa sans qu'il me fût possible de donner un seul coup de crayon, le seul de mes travaux, qui ne donna pas de grands embarras, et qui fut praticable lorsque j'étais forcé de renfermer les instruments de mes autres branches d'industrie. Dans la nuit, le vent redevint favorable. J'éveillai encore Miguel avec peine, et nous installâmes la voile en prononçant chacun à notre manière le mot « vamos ». Le lendemain, nous accostâmes à Obidos. Nous attachâmes le canot près de terre à côté de plusieurs autres. J'étais indécis si je devais m'habiller et aller faire des visites, et je cherchais dans ma tête de bonnes raisons à me donner pour me dispenser de cette atroce corvée. On attendait le bateau à vapeur pour le lendemain. Je n'avais pas besoin de faire de connaissances. Mais il s'agissait d'une chose bien autrement importante, de me débarrasser de mon canot, puisque je ne pouvais le conduire au Paria. En ce moment, une vieille mulâtresse, sautant de canot en canot, vint s'asseoir dans celui qui était à côté du mien et me demanda s'il était à vendre, ajoutant que dans ce cas, elle irait chercher son maître pour qu'il s'entendît avec moi. Cela tombait à merveille, et je ne garde de manquer une pareille occasion. Effectivement, un quart d'heure après le départ de la vieille, un gros marchand portugais vint à son tour s'asseoir devant moi et me demanda le prix de mon canot, ou plutôt, il m'offrit une somme telle que je n'avais à perdre que 30 francs. J'acceptai bien vite ce marché très bon pour tous deux, car si je me trouvais débarrassé d'un canot dont je n'aurais su que faire, de ce côté mon acheteur faisait une affaire excellente. Les bois du Haut-Amazone sont très estimés, et c'est probablement ce qui avait fait mettre la vieille mulâtresse en embuscade quand on m'avait aperçu de loin. Je ne conservais que ma voile destinée à envelopper les objets pour lesquels je n'avais pas de caisse. Quand il fallut embarquer mes deux singes sur le bateau à vapeur, ce fut très difficile. Ces malheureux sauvages, habitués aux solitudes, poussaient des cris perçants et s'accrochaient de tous côtés. J'étais souffrant. On pendit de suite mon hamac, et je restai couché tout le temps du trajet jusqu'à Paria, où je fus retenu par la fièvre pendant plus d'un mois. Mon voyage en Brésil était terminé. Un jour, j'appris qu'il y avait au mouillage un petit navire américain chargé de caoutchouc. Je voulus profiter de l'occasion pour parcourir rapidement les États-Unis avant de rentrer en France. Je fis donc retenir mon passage, et je pris congé de mon hôte, M. le Duc, et des autres Français qui m'avaient si bien accueilli. Ces messieurs m'accompagnèrent à bord du Federico Domingo, et ne me quittèrent qu'au dernier moment. C'est ainsi que s'achève Voyage au Brésil par François-Auguste Billard.